soulevez la question finalement de la difficulté de trouver un lieu de réunion, ce qu'on avait déjà vu avec les deux autres orateurs. Et en fait, ça me fait beaucoup mieux comprendre. Enfin, je connaissais déjà ça, je l'avais déjà vu avec les débits de boissons, mais ça m'a fait beaucoup mieux comprendre pourquoi il y a une minorité d'anticléricaux qui, en 1905, tenait absolument à ce qu'on confisque les églises, qu'on les désaffecte et qu'on les transforme en maisons communes ou en maisons du peuple pour qu'il y ait un lieu de réunion dans tout village où les gens pourraient aller précisément pour ne pas aller au café. Et ça a été une très grande déception. Il y a toute une série de cartes de propagande où on voit l'église, le dessin de l'église avec la banderole maison du peuple, maison commune. Et ça a été une très grande déception pour eux que ça ne se fasse pas. Alors, pour ce qui est du discours de Lucien Roland, quand il parle des empoisonneurs, pour parler des cafetiers, ou tout ce que vous avez dit à la fin, alors effectivement, c'est très intéressant parce que à l'origine, enfin, Laurent Bill pourra peut-être sans doute même me compléter, à l'origine, le discours contre les débits de boissons et contre l'alcoolisme, c'est un discours que j'avais baptisé de bourgeois, entre guillemets. Et du côté de la gauche, on s'en prenait aux bourgeois qui critiquaient la fréquentation des débits de boissons, des estaminets, en disant « mais le café est le salon du pauvre, c'est le seul endroit où il puisse aller, etc. etc. » Et il y a un moment où ça bascule, et dans mon souvenir, parce que c'est comme vous, ça remonte à plus de 25 ans, dans mon souvenir, la première chose que j'avais vue, c'est une fédération ouvrière anti-alcoolique qui s'était formée à Brest, en 1913, si je me souviens bien. Et ça serait très intéressant, effectivement, de suivre ce partage du discours entre la bourgeoisie, pour parler vite, et puis la gauche et les socialistes. Et puis alors, pour les associations, il y a quand même eu des travaux en 2001 avec Daniel Tartaskovski, Claire Andrieux, Gilles Lebeguec. Ils ont quand même pas mal travaillé là autour. Et puis je voulais demander à Gilles Vernion, est-ce que vous avez des descriptions des salles de banquet, la présence de drapeaux, un buste de Marianne, la disposition des tables, une hiérarchie des tables et tout ça? Ah oui, oui. Bah alors, pour répondre, donc quand il s'agit de... Ça dépend si ça se passe dans un restaurant, où là on trouve guère de traces de décoration, ou si ça se passe dans un préau d'école, ou une salle municipale, même si le repas est préparé par le restaurant, où là on a effectivement des bustes de Marianne, des bannières tricolores, et voilà, toute une symbolique républicaine qui est arborée dans la salle. Mais voilà, le radicalisme est moins dans une culture de la monstration visuelle que le socialisme. Donc il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est le tricolore, Marianne, et on en reste là la plupart du temps. Mais oui, les salles sont aménagées avec des éléments de décorum. Oui. Et il y a une hiérarchie de tables pour les conseils. Oui, alors je crois que je l'avais dit, il y a une table présidentielle donc avec l'organisateur, alors qui est soit le maire, soit le sous-préfet, soit le président de commissaire agricole, soit dans mon cas Archimbault lui-même. Et puis il y a les notabilités avec une composition ad hoc selon le thème du banquet. Si c'est un banquet pour une route, il y a les ponts et chaussées, il y a le sous-préfet. Si c'est un commissaire agricole, voilà. Et si c'est un parti, c'est les délégués du parti et les parlementaires du département et des départements voisins, comme dans le grand banquet de 1930. Donc oui, il y a une table qui est un peu surélevée, puisque c'est de là dont vont partir les discours. Les 6-8 discours qui sont prononcés partent de la table, entre guillemets, présidentielle, et les autres sont des tables de convives qui applaudissent, qui consomment et qui ne parlent pas. Enfin, qui ne parlent pas publiquement. Il y avait une question de Gilles Richard et après Catherine Moulin et on arrêtera là. C'est une question, mais c'est des hypothèses. Tu as dit, Gilles, que les banquets radicaux, enfin les banquets républicains, plutôt, disparaissent sous la 4e République. Effectivement, il y en a encore, mais beaucoup moins. Deux choses. D'abord, est-ce qu'on peut mesurer sous la 3e République si ce sont d'abord les radicaux qui font des banquets républicains de type entre-soi d'élite politique? Est-ce que il y en a plus chez les radicaux que chez d'autres, en sachant d'ailleurs que manifestement ces banquets que tu décris, ça n'a rien à voir avec les réunions au café que Édouard décrit. C'est vraiment deux mondes. Hein. Voilà. Et puis après-guerre, il y a quand même il y a quelques changements qui interviennent, non négligeables, outre le déclin des radicaux et leur division. C'est que les femmes sont devenues électrices et que désormais, les banquets, ils sont masculins, quasiment, tu as dit avant, et destinés aux hommes. Une fois que les hommes et les femmes votent à égalité, qu'est-ce que ça change dans la disponibilité des individus pour aller au banquet? Et puis la deuxième chose, c'est qu'à partir de la 4e République, la politique est beaucoup plus présente à la radio. Il y a beaucoup plus, enfin, c'est seulement en 1936 qu'il y a c'est la première fois qu'il y a des interventions politiques pour les réservées aux partis pour les élections législatives. Hein. C'est en 1932 avec Kérilis qu'il y a la première, 31, sur Radio Lévis, la première fois qu'il y a une émission hebdomadaire de politique, mais à partir de la 4e République, il y a beaucoup de politique à la radio. Et ce que j'ai remarqué quand on regarde les archives départementales sous la 4e, c'est qu'il y a encore beaucoup de réunions contradictoires. Et ça on aime beaucoup. Deux personnes s'affrontent, ce qui disparaît sous la 5e. Sauf si on parle de Pompidou-Mendès ou Pompidou-Mitterrand en 67, mais sous la 4e, il y a beaucoup de réunions publiques et contradictoires, qui ne dégénèrent pas d'ailleurs forcément, hein, qui sont animées, mais qui ne dégénèrent pas en pugilat. Il y a même encore des réunions contradictoires, pas seulement politiques, mais aussi de la libre pensée. Oui, il y en a beaucoup. Et là, ça dégénère. Surtout si. Et puis, dernière chose seulement, dans les régions très catholiques, alors comme l'Ouest ou d'autres régions, le fait que d'aller dans un café, je voudrais bien savoir comment on choisit le café, parce que c'était encore le cas hein, dans toute une série de villages ou de bourgs bretons d'Ille-et-Vilaine ou du Morbihan, dans les Côtes d'Armor c'est un peu moins net, mais dans des bourgs de 2, 3, 4 000 habitants, il y avait jusqu'à il y a 15 ans encore. Deux boulangers, un bleu, un blanc, deux bouchers, un bleu, un blanc, et on allait faire ses courses en fonction de. Enfin, tout le monde savait quel commerçant était blanc ou était bleu. Là, c'est et donc pour les cafés, on devait le savoir aussi. Pour répondre très très vite, donc effectivement pour les radicaux, je pense qu'ils s'inscrivent dans le mouvement des banquets. Là, c'est Vincent Roberts qui l'a écrit sur le premier ou le tournant du 19e siècle, c'est tout le républicanisme français que les radicaux relayent par cette tradition de banquet. Alors effectivement, moi, le canton que j'ai étudié, le Parti radical a quasiment le monopole de la représentation politique. Après 1936, il y a une tentative d'implantation des socialistes, du PC et du PSF, hein, qui essaient de s'implanter, mais je n'ai pas vu dans la presse mentionner qu'ils tiennent des banquets. Ceux qui le tiennent régulièrement avec une scansion enfin, très régulière, ce sont les radicaux. Et comme en plus, mon héros, Archimbaud, est président du Conseil Général, il inaugure aussi des équipements publics que d'autres n'inaugurent pas. Par exemple, les routes, une nouvelle ferme, une école, un buste, un monument aux morts, il inaugure. Et chaque fois, il y a un banquet. Donc c'est aussi biaisé. Effectivement, il est radical, il est élu, mais il est aussi président d'une collectivité territoriale. Donc il gère aussi des inaugurations de façon très massive. Alors après 1945, ça se raréfie. Alors il y en a encore, effectivement. Mais ça se raréfie. Et alors, bon, exode rural, déclin du radicalisme, mais il faudrait faire une étude comparative, ce qui me semble quand même pour voir. Le journal de 10, c'est vraiment un journal radical. Donc, il valorise tout ce que fait Archimbaud. Le moindre de ses banquets est décrit, le moindre menu est décrit, et il parle à peine des autres. Donc, pourtant, les autres existent quand même, mais il en parle très peu. Et donc, quand on regarde le journal de Valence, là, c'est plutôt la Fédération républicaine, pour parler court, donc droite modérée, qui dirige ce journal. Donc là, ils rendent compte de leurs manifestations. Et là, on voit bien qu'ils en font quelques-uns. Ils en font beaucoup moins que les radicaux. De temps en temps, il y a une manifestation festive, mais beaucoup moins. Donc, je ne dis pas que c'est un monopole radical, mais ça prolonge le républicanisme à la Gambetta précédente, même encore avant. Et ça s'éteint avec l'extinction du Parti radical. Et pour terminer sur les cafés, anecdote personnelle, ma mère, qui était intendante d'établissement scolaire du secondaire dans les années 80, gérer deux établissements, dont un à Vernoux-en-Vivarais en Ardèche, et elle me disait, quand je vais inspecter le collège de Vernoux-en-Vivarais, on me dit, là il y a le café catholique et ça c'est le café protestant. Oui, Et ça, c'était au début des années 1980. Mmh. Et donc, le Café protestant regroupait plutôt un électorat qui votait socialiste, radical. Le Café catholique votait, rassemblait plutôt des électeurs de droite pour parler court. Donc, c'était prolongé quand même jusqu'au début. Ça se retrouve sur les compétitions sportives, hein. Mmh. Avec le club de la Cato et le club de la Laïque, etc. Enfin, après, il y a des divisions intestines de terroirs que reflètent les cafés absolument considérables. Mais là, il y a un colloque à faire là-dessus uniquement. Quoi. Après, c'est compliqué à... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est souvent des intuitions, mais c'est vrai que c'est compliqué à documenter parce que voilà, on est tributaire de sources vraiment voilà, très, très, très limitées. Moi, j'ai fait un travail là, sur la ville de Genasse, en banlieue lyonnaise, donc je travaille sur la presse des années 30, et donc justement là, l'entremêlement des cafés boulistes, des amicales boulistes, qui ont des sièges de café qui se divisent, parce qu'en plus le village, il y a des sections qui sont en rivalité interne, plus la politique, enfin, c'est extrêmement complexe de reconstituer ces réseaux. Il y a une permanence, que ce soit la droite ou la gauche, c'est quand le maire est le cafetier. Et alors là, ça pose des problèmes de position dominante et d'abus de dominance qui sont absolument inconcevables. Ça fait partie des antiennes qui reviennent tout le temps, de la même façon que les candidats, quel que soit leur parti, se plaignent de ce qu'ils sont obligés de trop boire. Je me souviens en particulier Camille Pelletan, qui est quand même pas le plus sobre de tous les hommes politiques de la 3e REP, qui écrit à sa femme en disant qu'il est en campagne dans le Sud et il n'en peut plus. Parce que c'est une honte et qu'il est obligé de boire toute la journée, en plus des breuvages absolument infâmes, un vin immonde. J'imagine qu'à l'époque, le Mourvèdre n'a pas la qualité du Bandol d'aujourd'hui et que c'est du vin qui est assez rêche. Rapide question de Catherine. Question ou remarque. Alors moi, je parle justement le rôle des cafés alors, à une époque plus tardive dans le XXe siècle, et en Lozère, en Margerie notamment, avec les campagnes que faisait Jacques Blanc. Et là, c'est très intéressant, Jacques Blanc, parce que c'est un candidat, cette fois-ci, on n'est pas dans le cas du propagandiste, mais c'est le candidat qui fait un véritable quadrillage de sa circonscription en faisant quasiment tous les cafés, de façon systématique, dans les villages qu'il parcourt. Alors là, il ne s'agit pas de réunion, il arrive, il débarque, il y a trois consommateurs, tant pis, il va prendre. Alors là aussi, on retrouve la question de la consommation. Il ne reste pas longtemps. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit le... Donc ça, c'est dans les années 70, pratiquement à 2000. Et on voit qu'il s'agit bien d'un marquage de territoire. Il ne reste pas longtemps, mais voilà, il faut être vu. Et le café joue ce rôle-là. Donc il n'y a pas là, de réunion, il n'y a pas de conférence, mais on rencontre les consommateurs, on dit deux mots. On écoute quand même ce qui est éventuellement leur récrimination ou autre, et surtout on leur dit votez pour moi. Donc ça c'est aussi un autre usage du café, mais qui est assez intéressant. Et dans un univers parfaitement rural, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais là j'ai vraiment insisté sur cette distinction parce qu'elle est voilà assez essentialiste au travail du programme. Mais en fait c'est pas la réalité parce que même dans les carnets Roland, en fait il y a un certain nombre de il fait des tournées de fédération électorale, c'est-à-dire que c'est distingué, c'est distinct en disant là c'est dans un cadre électoral, donc à ce moment-là il est avec le candidat et à ce moment-là c'est la même chose, il va aussi dans les cafés et il fait effectivement les fameuses réunions publiques et contradictoires. Voilà, là on est dans le schéma tout à fait classique de la propagande politique, mais c'est vrai que les deux se ressemblent. Mais je pense qu'on retrouve toujours sur cette idée que on va au café parce que là aussi c'est le café le centre névralgique de la vie collective en fait, et que donc c'est là où on trouve le plus d'écho. Oui, puis soit on a vu le candidat, soit après on va dire tiens j'ai vu le Jaco Blanc, etc. Et donc ça on voit bien effectivement ce rôle en même temps un petit peu de diffusion. Merci, on se retrouve dans